melodia. Essa melodia. M'entendez-vous? If you can't get what I'm Je m'entends en double, là. Ça y est, tu es là. M'entendez-vous en double? C'est normal. C'est de la latence. Oh, là, je m'entends plus du tout. M'entendez-vous? Non. Oui. Vous ne pouvez pas entendre ma voix? Vous avez la voix? Vous avez le synthé aussi? Ok, parfait. C'est du Pearl Jam, ça. Non. C'est un ancien chant religieux.